Nouvelle scène nationale, l'émission sur RGB 99.2. L'action culturelle. Occasion pour nous aujourd'hui de mettre dans la lumière, comme il se doit et comme cela est mérité, une action culturelle tout à fait étonnante, spectaculaire par le nombre de participants en particulier. Les chiffres sont édifiants, 15 lycées, 9 collèges, une école primaire, même le centre hospitalier de Pontoise est concerné et impliqué, une quarantaine d'enseignants, 840 élèves. Maude Lucas, qu'est-ce ces Melting Pot 2019 ? Alors les melting pots, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord 3 jours dans lesquels on va réunir la majorité des élèves qui sont concernés par nos projets d'éducation artistique et culturelle. Donc ces projets normalement touchent plus de 2500 élèves. Là on en a donc 840 élèves sur 3 jours. Comment ça se passe brièvement ? Donc il y a une première journée qui est dédiée en fait à ce qu'on appelle une carte de visite. Ça veut dire que chaque élève, chaque groupe d'élèves va sur le plateau du Théâtre des Louvrés nous proposer son étape de travail. Et ensuite, nous, on va s'amuser à mélanger tous ces groupes d'élèves et à créer un groupe complètement nouveau. Nouveau parce que les élèves ne se connaissent pas, parce qu'ils viennent d'établissements différents, de primaire, de collège, de lycée, lycée pro, mais également lycée général. Donc les élèves ne connaissent pas non plus les artistes avec qui ils vont travailler. Ça peut être de la danse, ça peut être du théâtre. Et ils ne connaissent pas non plus les enseignants qui vont les encadrer. L'importance, voire l'intérêt de ces rencontres, car il s'agit avant tout de rencontres. Pour le reste du temps, ce sont des élèves qui ont quand même un lien avec l'artistique, par l'intermédiaire de l'éducation artistique dans leurs établissements, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, il y a des différences à chaque niveau, mais ces élèves-là, à chaque fois, sont impliqués dans un parcours, dans un projet, c'est-à-dire qu'ils vont suivre de façon plus ou moins régulière un atelier avec un artiste. Donc ça peut être de la danse, ça peut être du théâtre, ça peut être un atelier d'écriture. Donc à chaque fois, voilà, il est dans son groupe, dans son établissement. Et nous, l'intérêt des Melting Pots, c'est de déjà montrer la diversité des autres groupes, ce qui existe ailleurs dans tout le territoire, mais c'est aussi un petit peu de leur montrer tout ce qui est possible, tout ce qu'ils sont capables de faire en seulement 6 heures de travail, et aussi de montrer à quel point est-ce que le théâtre, ça peut être quelque chose de libre, en leur donnant à disposition un artiste avec qui travailler, mais aussi le plateau, encore une fois. Voilà. Un travail collectif, mais qui peut être l'occasion de révéler des personnalités, peut-être de révéler des vocations futures pour certains d'entre eux. Oui, c'est vrai qu'en plus, ces élèves-là, donc certains sont volontaires parce que, par exemple, ils font un atelier théâtre, etc. Mais d'autres se retrouvent un petit peu impliqués malgré eux au début parce que, voilà, c'est une volonté d'un enseignant de les inscrire à ces melting pots ou à ce projet artistique. Et en fait, c'est vrai qu'encore une fois, ils se rendent compte de tout ce qui est possible et que voilà, le théâtre, ça les concerne aussi. C'est aussi pour ça que ça fait complètement écho au projet général de la Nouvelle Scène Nationale. Quand on parle d'un temps fort comme génération au pluriel, le but du jeu, c'est de montrer qu'en fait, le théâtre, la musique, la danse, ça concerne tout le monde et tout le monde est bienvenu et tout le monde est capable de faire quelque chose avec son corps. L'autre intérêt, j'imagine qu'ils attendent avec impatience un moment comme cela, c'est de se produire dans des conditions réelles de spectacle sur une scène et ô combien peut-être intimidante pour eux, la scène du Théâtre des Louvrets, donc les conditions techniques qui existent le reste du temps pour accueillir de grands spectacles internationaux par exemple. Oui, effectivement, notamment l'après-midi avant la représentation qui est publique, on ouvre le Théâtre des Louvrets aux familles mais également à toutes les personnes qui auraient envie de découvrir le résultat de ces melting pots. Et tout cet après-midi, il y a un technicien de la Nouvelle Scène Nationale qui est là pour eux, pour faire le filage, pour complètement être à l'écoute de leurs envies et de faire en sorte que tout ce qu'ils ont envie de proposer, ça soit réalisé le soir même. Se produire sur scène dans les conditions réelles de spectacle, c'est une chose. Se produire avec un public, car il va y avoir une restitution publique pour chacun de ces deux groupes. Le premier groupe de 436 élèves se produira et proposera cette restitution publique le mercredi 3 avril à 18h. Et le deuxième groupe de 404 élèves qui vont se succéder les uns après les autres sur cette même scène, restitution publique le jeudi 4 avril prochain à 18h. Là encore, c'est ouvert au public. Exactement. Voilà, toutes les personnes qui auront envie de voir le résultat de ce beau projet pourront soit appeler, soit venir le soir même assister à ces représentations. Les Melting Pot 2019, eh bien, notez bien les dates, retenez, du 2 au 4 avril prochain, avec en effet des chiffres impressionnants, puisqu'on parle de 840 élèves sur deux jours, une quarantaine d'enseignants mobilisés, 28 artistes en danse, théâtre, qui vont apporter leur savoir et leurs compétences et leur rapport à la scène et au spectacle. Merci beaucoup, Maude Lucas. Merci.